verre était dans le fruit, a affirmé M. X la semaine passée. Il fallait donc qu'il tombe un jour ou l'autre. Le fruit, c'était la Côte d'Ivoire au temps du miracle ivoirien, comme on l'a appelé. Parmi les anciennes colonies françaises d'Afrique, la Côte d'Ivoire, à l'exception notable du Sénégal, semblait être la seule à connaître un développement harmonieux et à échapper à la malédiction de la misère et des déchirements internes. Sous la férule du sage de l'Afrique, Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était donc promise à un avenir radieux. En 20 ans, le PIB, le produit intérieur brut par habitant, avait quintuplé. La scolarisation, les services sociaux, la construction avaient progressé dans les mêmes proportions. Mais ces succès réels dissimulaient de nombreux points noirs. D'abord, cette évolution prometteuse n'avait été possible que parce que la Côte d'Ivoire, demeurée sous la tutelle de fait de la France, avait largement ouvert son économie aux investisseurs étrangers. Un libéralisme à tout craint qui avait engendré de nombreuses inégalités et un considérable accroissement de la corruption. Ensuite, il y avait, en raison du manque de main-d'œuvre locale, l'appel aux travailleurs étrangers qui avait fini par constituer plus du quart de la population ivoirienne. Une situation qui ne présentait pas de risque tant que l'économie demeurait florissante. Mais, justement, à partir du début des années 80, les prix de la principale richesse de la Côte d'Ivoire, le cacao, chutent. Enfin, et surtout, ce pays aux 60 ethnies demeure uni tant que l'autocratique et richissime Houphouët-Boigny tient solidement les rênes et réprime, parfois férocement, les tentatives sécessionnistes. Or, le président ivoirien, malade et vieillissant, gouverne souvent à distance, et sa succession attise les convoitises. En 1990, il est réélu pour la 7e fois. Mais, et c'est une première, il a dû affronter un concurrent, le socialiste Gbagbo. 3 ans plus tard, miné par un cancer, il s'éteint. Toutes les conditions sont réunies pour que le pays bascule dans le chaos. Dans un instant, l'explication de la crise ivoirienne. En réalité, les premières vraies fissures apparaissent dès 1990, alors même que Félix Houphouët-Boigny va être élu. Et de jeunes manifestants défilent dans Abidjan criant « Houphouët voleur, Houphouët corrompu ». On n'avait encore jamais entendu de tels slogans. Mais enfin, il faut dire que la situation économique de la Côte d'Ivoire est totalement désastreuse. Ouais, à cause de la crise du cacao et de la chute des cours mondiaux. Oui, ouais, ce qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire provoque alors son effondrement. Le pays est au bord de la banqueroute. Et pour sauver la situation, le Premier ministre, Alassane Ouattara, doit, sur les injonctions des institutions financières internationales, imposer une sévère cure d'austérité, alors même que chacun peut constater la réalité des dépenses somptuaires engagées par le pouvoir. Tous ces gratte-ciels qui ont poussé sur la lagune d'Abidjan quand la ville était encore cernée de bidonvilles, ou encore la transformation du village natal de Houphouët-Boigny en un nouveau Brasilia. Oui, avec en particulier l'édification de la basilique de Yamoussoukro. Oui, une copie de Saint-Pierre de Rome, bâtie en pleine brousse et qui a coûté la bagatelle d'1,5 milliard de francs. Ouais. Et une dépense si choquante que le pape se fait tirer l'oreille pour venir consacrer l'édifice. Ouais, parce que c'est quand même très cher pour assurer le seul salut du vieux chef. Bien entendu. Ouais. Un an après les premières manifestations de jeunes, étudiants et lycéens descendent à nouveau dans la rue, cette fois sans les trous. Houphouët-Boigny envoie ses paracommandos occuper le campus de Yopougon. La répression est violente, des jeunes filles sont violées et on compte même 2 morts. Pourtant, vous le rappeliez la semaine dernière, Houphouët-Boigny avait juré de ne jamais faire couler le sang. Oui, mais enfin nous avons vu que c'était faux. Ouais. Par le passé, des mouvements sécessionnistes avaient déjà été férocement jugulés, avec d'ailleurs la complicité des troupes françaises présentes en Côte d'Ivoire. Ouais, donc au prix de nombreux morts. Ben, à l'époque, ces affaires avaient été promptement étouffées tant en France qu'en Côte d'Ivoire. Toutefois, il n'y a pas que les étudiants qui manifestent, les militaires aussi s'agitent. La petite armée ivoirienne. Oui, je vous l'ai expliqué, pour éviter toute tentation putschiste, Houphouët-Boigny avait pris soin de limiter au minimum les effectifs des forces ivoiriennes. Oui, et confier la sécurité du pays à l'armée française. Ah oui, mais enfin, il n'empêche qu'en 1990, une centaine de soldats occupent l'aéroport et la télévision. Alors, que veulent-ils cela, là? Bah, ces mécontents réclament de meilleures conditions de vie, et surtout, ils se sentent méprisés par le pouvoir, qui leur préfère la gendarmerie. Mmh. Les pauvres. Et comment ça se règle, là? Ah bon, on leur fait passer quelques valises de billets et tout rentre dans l'ordre. Mais c'est un précédent dangereux. Les militaires s'en souviendront. Ah bah oui, si c'est si facile que ça de recevoir de l'argent. Et 2 ans plus tard, ça recommence. Une unité d'élite basée à Yamoussoukro, la capitale officielle de la Côte d'Ivoire, sort de sa caserne et occupe la rue. Les mutins, car il s'agit vraiment d'une mutinerie, réclament le paiement de leurs soldes. Le gouvernement cède et leur concède quelques avantages. Ça suffit pour que les mutins regagnent leur caserne. Toutefois, l'alerte a été chaude. En même temps, l'état de santé du président ivoirien se dégrade. Il est soigné en France, hein? Et en Suisse. Mmh. Autant dire qu'il gouverne, s'il gouverne encore à distance. Et déjà, on assiste à une guerre des héritiers. Alors, les héritiers, qui sont-ils? Il y a d'abord, presque naturellement, le premier ministre, Alassane Ouattara. Mais ce personnage qui a été un haut fonctionnaire international est d'origine burkinabé, bien qu'il soit né en Côte d'Ivoire. Et la question de sa nationalité va prendre un peu plus tard une importance considérable. Bon, n'allons pas trop vite. En face se trouve l'héritier naturel, Henri Konan Bédier. Pourquoi naturel? Parce que en tant que président de l'Assemblée nationale, Bédier est constitutionnellement appelé à succéder à Oufouet Boigny si celui-ci meurt ou est dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Alors c'est donc celui que le président ivoirien a choisi. Et qui sera en outre soutenu par le parti présidentiel, le PCDI. Mais en dehors de ces deux hommes, il existe un troisième larron, le candidat défait en 1990 par Oufouet Boigny. Laurent Gbagbo. Oui, l'éternel opposant de gauche. Ça vaut d'ailleurs à ce professeur socialiste d'être jeté en prison à la suite des violentes manifestations du premier semestre en 1992. Lui et quelques centaines de ses partisans, dont sa femme, Simone. Des arrestations opérées en raison d'une loi anti-casseur adoptée en toute hâte à l'initiative du Premier ministre. Mais ça ne va pas arranger les rapports entre Ouattara et Gbagbo. C'est évident. Et cependant, Gbagbo sera quand même gracié à l'occasion de l'un des rares et brefs retours au pays du Fouet de Boigny. Donc, pour résumer, en cette fin de règne, la situation est donc explosive. Incontestablement. Et tout le monde pense à la succession, même si personne n'ose en parler ouvertement. Pourtant, fin décembre 93, quand le Premier ministre prend connaissance de la gravité de l'état de santé du président, il le fait revenir en Côte d'Ivoire dans son palais de Yamoussoukro. Un palais qu'il ne quittera plus. Oui, pour préparer la succession. Oui, et Oufouet Boigny sera maintenu artificiellement en vie tant que la question n'aura pas été réglée. Alors, et quand ça sera fait, on le débranchera. Bien sûr. Alors, comment ça se passe? À défaut de pouvoir tenter un coup de force, les héritiers sont bien obligés de respecter la Constitution. Et malgré la mauvaise humeur d'Alassane Ouattara, c'est Bédier qui assure l'intérim du pouvoir jusqu'à l'élection présidentielle qui est prévue en 1995. Pour le plus grand malheur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi alors? Il faut expliquer, là. Henri Konan Bédier n'a certainement pas la carrure d'un Oufouet Boigny. Mais il n'y a pas que ça. La perspective de l'élection présidentielle aiguise les convoitises. Les clans, les tribus se réveillent. En outre, Bédier est contesté jusque dans son propre parti, le PCDI. D'ailleurs, Ouattara ne tardera pas à provoquer une scission et à créer son propre mouvement, le RDR, c'est-à-dire le Rassemblement des Républicains. Les conséquences de toute cette agitation sont très graves. Politiquement affaibli, Bédier se replie sur son clan, celui des Baoulés. Les Baoulés, c'était aussi l'ethnie à laquelle appartenait Oufouet Boigny. C'est exact. Et ce n'est pas par hasard s'il avait fait de Bédier son dauphin en le propulsant à la présidence de l'Assemblée nationale. Bédier ne fait donc confiance qu'aux siens. Oui, attendez, les siens, là, ces Baoulés, là, ça représente combien en pourcentage de la population? Les Baoulés, et plus généralement l'ethnie Akan à laquelle ils appartiennent, forme à peu près 40% de la population ivoirienne. Ah oui, quand même. Enfin, je reprends. Bédier procède donc à une véritable épuration ethnique au profit des siens. Et une épuration violente? Non. Mais dans le parti, l'armée, l'administration, tous ceux qui ne sont pas baoulés sont chassés. Et donc remplacés par des baoulés? Naturellement. Cette politique produit les effets que vous pouvez imaginer dans les autres ethnies, surtout dans les tribus du Nord. Oui, ces tribus du Nord qui ont été islamisées, c'est ça? Alors que celles du Centre et du Sud sont généralement chrétiennes et animistes. Oui, donc les rivalités ethniques et géographiques sont doublées d'un affrontement religieux, Alors, mais du temps d'Oufouet Boigny, cette tension n'existait pas? Non, il faut reconnaître au moins ça. Le vieux, comme on l'appelait aussi, avait pris soin de sauvegarder la paix religieuse. Et bien qu'il fût catholique lui-même, il avait autorisé, même financé, la création de mosquées dans les grandes villes du pays. La tolérance, donc. Oui, car il savait que le sujet était particulièrement explosif. On l'a bien vu dans d'autres pays africains, comme le Nigeria. Mais Bédier, pour contrer son principal rival, Ouattara, va aller encore plus loin. Attendez, Ouattara, lui, d'origine burkinabé, m'avez-vous dit, doit être plutôt proche des nordistes. Et des musulmans, oui. Alors, nouveau motif de frictions éventuelles avec Bédier. En effet, oui. Alors, d'après vous, Bédier va encore plus loin ? Oui, il va soulever le couvercle de la boîte de Pandore. Et je n'exagère nullement, car la crise que connaît depuis plusieurs années la Côte d'Ivoire est en grande partie causée par cette malheureuse initiative de Bédier. Un mot sur Alassane Ouattara, chef du Parti des Républicains, ancien Premier ministre d'Oufouette-Boigny, rival de Bédier et candidat potentiel à la présidence de la République ivoirienne. J'ai trouvé ces quelques lignes dans le livre de François-Xavier Verschave, Noir Silence, paru aux éditions des Arènes. Les adversaires de la France-Afrique n'éprouvent pas une sympathie excessive pour le candidat Ouattara. C'est un grand ami de Omar Bongo et de Martin Bouygues, dont le groupe s'est fait concéder quelques-uns des principaux services publics ivoiriens. Il apprécie les conseils du général Jeannou Lacaze, il a choisi pour avocat l'apologiste attitré d'Eyadema, Jacques Vergès, et comme communicant, Max-Olivier Cahen, un ex-prestataire de Mobutu. Sa rivalité avec Bédier est plus oedipienne que programmatique. Tous deux guignaient la succession d'Oufouette, le conseiller élyséen Michel Dupuche, alors ambassadeur à Abidjan, a fait pencher la balance. Vous avez parlé de la boîte de Pandore, hein, c'est ça? Bah, avant de vous expliquer, alors de quoi s'agit-il? Bon, bah, attendez, enfin, avant de vous expliquer, encore un mot. Bédier, c'est certain, a tout à craindre d'une compétition avec Ouattara. Celui-ci est en effet le champion des hautes instances internationales et qui font confiance à ce grand commis pour redresser la situation économique d'un pays en totale détresse. D'autre part, il est relativement populaire. Et puis, il a derrière lui les musulmans. L'islam est en effet devenu la première religion du pays. Enfin, il faut tenir compte de tous les ressentiments accumulés contre Bédier. Oui, à cause de la... cette préférence-là qu'il a accordée à ses frères Baoulé. Oui, alors tout ça, ça fait beaucoup. Donc Bédier, s'il veut gagner, doit se débarrasser de Ouattara. Pas physiquement, quand même. Non, mais Bédier a trouvé une arme diabolique. L'ivoirité. L'ivoirité, c'est-à-dire, pour résumer, le concept d'appartenance à la communauté ivoirienne. Exactement. Et ça n'a pour but que d'exclure Ouattara de cette ivoirité. Oui, parce qu'il est burkinabé d'origine. Et avec l'aide des juristes français, Bédier mitonne une modification du code électoral. Désormais, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être né de parents ivoiriens. Ouais. Ouattara est donc exclu d'office. Et c'est parfaitement fallacieux. Et surtout, ça ne tient pas compte de l'histoire de la colonisation. Le colonisateur, en traçant arbitrairement ses frontières, n'a jamais tenu compte de la réalité ethnique. Le cas de Ouattara en est une preuve flagrante. Expliquez-moi ça. Son père, un chef traditionnel, appartenait à une puissante ethnie nordiste, les Diolas, établie de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces deux pays n'étant d'ailleurs séparés que depuis 1947. Donc, alors, si on appartenait à cette ethnie, hein, si je vous ai bien écouté, on pouvait être indifféremment ivoirien ou burkinabé. Oui, ou les deux. Ouais. Ouattara, par exemple, est né en Côte d'Ivoire et il y a passé une partie de sa jeunesse. Mais il a bénéficié d'une bourse burkinabé pour aller faire ses études aux États-Unis et devenir ensuite un haut fonctionnaire international. Mais quand Oufouette-Boigny l'a appelé pour prendre la direction de la Banque centrale, puis occuper le poste de Premier ministre, il en a fait un citoyen ivoirien. Oui, mais de fait, mais pas de droit. Certes. Cependant, quand on a été Premier ministre d'un pays, il me semble difficile de prétendre ensuite qu'on n'en possède pas la nationalité. Donc, selon vous, c'était un mauvais procès qu'on fait à Ouattara? Absolument. Et je reviens à ma boîte de Pandore. Une boîte où Oufouette-Boigny avait prudemment enfermé les questions ethniques. En soulevant le couvercle, pour des questions purement politiciennes, Bédier réveille les démons tribaux. Et il jette l'opprobre sur toute une catégorie de la population. Tous ceux qui ne sont pas capables de faire la preuve de leur ivoirité. Les mauvais Ivoiriens, comme on va les appeler. tous ces étrangers appelés par Oufouette-Boigny à venir travailler en Côte d'Ivoire. Oui, à qui le vieux avait donné des droits identiques à ceux des citoyens ivoiriens. La conséquence immédiate, eh bien, c'est que les peuples islamisés du Nord vont se sentir solidaires de tous ces ostracisés et auront le sentiment d'être rejetés aussi par les sudistes. Bédier a donc réactivé les clivages tribaux et religieux. Le tribalisme va donc gagner progressivement du terrain en Côte d'Ivoire. Ah, un véritable feu de brousse. Et ce sera la première cause de la crise que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Car il n'y a pas de cet antagonisme entre le Sud et le Nord. À l'Ouest, les Bétés font remarquer qu'ils sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Et que les autres, les Akanes, groupe auquel appartiennent les Baoulés, sont venus du Ghana. Oui, ce sont des envahisseurs. Alors, au même titre que les Dioula ou les Malinkés, issus du lointain Sahara. Et ce tribalisme est donc fortement teinté de racisme. Ce n'est pas fortuitement qu'un des intellectuels bêtés qui propage cette thèse est un laudateur du Front National Français. Ah donc, ouais. Mais est-ce que ces antagonismes se traduisent sur le terrain. Ah ben malheureusement, assez rapidement, oui. Fin 1994, la police envahit la grande mosquée d'Abidjan, au prétexte que les autorités religieuses soutiennent Alassane Ouattara. Et lors des contrôles policiers, les papiers des hommes portant des noms à consonance musulmane sont systématiquement déchirés. Mmh, ouais. Et l'élection présidentielle, alors Eh ben, en vertu du nouveau code électoral, Ouattara est donc éliminé. Et il se refuse à essayer de passer en force. La lutte devrait donc avoir lieu entre Bédier et Gbagbo. Le climat est alors très tendu. Et on observe de nombreux actes de violence. Des bagarres éclatent entre les différents clans et on compte plusieurs morts. Dans ces conditions, et pour manifester une certaine solidarité avec Ouattara, Gbagbo appelle au boycott des élections. Alors, ça veut dire que Bélier sera donc forcément élu. Bien sûr. Ben oui. Mais juste avant le scrutin, un nouveau venu fait parler de lui, le chef d'état-major des forces ivoiriennes, un Saint-Cyrien, le général Gueye. On reparle de lui. En attendant, accusé de préparer un putsch, Gueye est proprement bastillé. Et Bédier est élu avec un score stalinien, plus de 90% des voix. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, car le pays est divisé et fragilisé. Et la crise ne manquera pas d'éclater un jour ou l'autre. C'est certain, d'autant que le régime ne donne guère de signes d'apaisement, bien au contraire. L'économie stagne, la corruption progresse et le brûlot tribal alimenté par une presse pro-gouvernementale haineuse produit ses funestes effets. Des travailleurs immigrés sont pourchassés à la machette et tombent sous les coups de leurs adversaires. Ils fuient, mais par milliers. Mmh. Mais qui les pourchasse, là ? Qui, ces adversaires, c'est... Ah ben, ce sont des Ivoiriens, aussi démunis qu'eux. Des gens qui, poussés par la crise économique, reviennent dans leur village où ils constatent que des immigrés, souvent d'origine burkinabé, exploitent les terres qu'ils ont abandonnées. Alors ça, ce sont les premiers massacres. Oui, oui, des hommes mais aussi des femmes et des enfants sont tués par ces assassins qui ont subi la propagande des tenants de l'ivoirité. Mais attendez, est-ce que le tuteur traditionnel, la France, n'aurait pas pu intervenir et essayer de calmer la situation? Et d'autant que Paris est alors parfaitement informé grâce à nos services secrets, toujours très présents en Côte d'Ivoire. Grâce aussi à tous ces Français qui ont des intérêts là-bas et qui font de formidables profits. Alors, l'Élysée a sans doute essayé de calmer Bédier et les siens. Toutefois, Paris s'est surtout entremis auprès des institutions financières internationales pour alléger la considérable dette ivoirienne, ce qui a eu des effets néfastes. Il faut m'expliquer là pourquoi. Parce que ça réalimente la pompe Afrique et que ça permet de nouveaux détournements de l'aide internationale. Ainsi, des dizaines de millions de francs de fonds européens destinés au secteur de la santé disparaissent. Et à Bruxelles, ça tousse. Tant et si bien qu'en 1998, toutes les aides européennes sont suspendues. Les finances ivoiriennes sont alors exsangues. Et la situation politique empire encore, car une nouvelle élection présidentielle se profile. Et elle est prévue pour quand ? En 2000, et Ouattara entend revenir dans le jeu, alors il faut à nouveau édifier les pare-feux. Toujours cette question de la nationalité. Oh, pas seulement. À la hâte, Bédier amende la Constitution. Désormais, le président peut différer l'élection à sa guise. Cependant, Ouattara, réfugié à l'étranger, décide de revenir en Côte d'Ivoire. La tension monte encore d'un cran. Ben oui. Le propriétaire d'un journal d'opposition est abattu à bout portant. Un autre échappe à une fusillade. Quant à Ouattara lui-même, ayant osé montrer sa carte d'identité ivoirienne au cours d'un meeting, il est inculpé pour faux et usage de faux. Et trouve plus prudent d'aller se réfugier à Paris. Et ça, bon, ça provoque de nouveaux troubles. Bah, forcément. Ses sympathisants se mobilisent et manifestent. De violents incidents éclatent, un prétexte pour le pouvoir qui en profite pour jeter en prison tous les dirigeants du parti de Ouattara, le RDR. Et c'est alors que les militaires ivoiriens vont intervenir. Et Paris n'est sans doute pas étranger à cette action qui vise à éliminer un Bédier qui n'est décidément plus présentable. Dans un grand reportage effectué pour Le Monde diplomatique en 2004, la journaliste Colette Breckmann revient sur la question de la nationalité en Côte d'Ivoire, instrumentalisée par Henri Bédier dès son arrivée au pouvoir. Et elle écrit ceci. Le PDCI forge alors le concept d'ivoirité que M. Jean-Marie Le Pen nommerait préférence nationale, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens de souche. Les intellectuels s'emploient à peaufiner un concept identitaire qui mène tout droit à la xénophobie et à l'exclusion. Car il est vrai que le pays compte 26% d'étrangers originaires du Burkina Faso, du Mali, du Ghana. Employés dans les plantations de café et de cacao, ils ont assuré le développement du pays. Oufouet Boigny après les avoir invités, les avait protégés et les documents d'identité avaient été très libéralement distribués, à tel point que M. Gbagbo, alors principal opposant, dénonçait ce qu'il appelait le bétail électoral. En fait, la présence de ces travailleurs immigrés n'a posé problème qu'au moment où les ressources sont raréfiées, où les fonctionnaires, nouveaux chômeurs à cause de l'ajustement structurel, sont rentrés au village et ont découvert que les terres ancestrales étaient mises en valeur par des étrangers. Ces derniers, sans considérer les propriétaires légitimes, puisqu'ils les avaient achetées et défrichées. Alors, Bédier, malgré les pressions qu'il a subies, se refuse à libérer les dirigeants du parti de Ouattara. Trois jours avant Noël 1999, de jeunes soldats apparaissent dans les rues d'Abidjan. Ils tirent quelques coups de feu en l'air, et pour le pouvoir, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. L'armée ne fait pas de politique, et quand elle manifeste, c'est uniquement pour réclamer le paiement des soldes. Mais, pour reprendre une formule célèbre, ce n'est pas une révolte, mais une révolution. Ah vraiment, alors un putsch. Oui, dès le lendemain, le général Gueye, l'ancien chef d'état-major limogé par Bédier, apparaît à la télévision. En uniforme, entouré de solides gaillards bien armés, il annonce qu'une junte vient de prendre le pouvoir. Mais sans effusion, ça. Oui, oui, une révolution en douceur. D'ailleurs, bientôt, on fait la comparaison avec la révolution des œillets au Portugal. Et la réaction du pouvoir, alors? Bédier a beau lancer un appel à la résistance, il n'est pas entendu. Alors, revenons un peu en arrière. Là, vous m'avez laissé entendre que Paris avait joué un rôle. C'est certain. Et si les jeunes mutins sont allés sortir Gueye de sa retraite pour prendre la tête du mouvement, c'est vraisemblablement à l'initiative de certains éléments de nos services. Ou peut-être même d'officiers présents en Côte d'Ivoire. Gueye, ancien Saint-Cyrien qui a fait l'école de guerre à Paris, est en effet très bien vu des cercles militaires français. Ça signifie donc qu'à Paris, on vous laisse débarrasser de Bédier? Ça, j'en suis persuadé. On savait que le régime était prêt à tomber comme un fruit trop mûr. Alors on a anticipé. Même s'il n'y a pas eu l'unanimité à Paris. C'était la cohabitation, je vous le rappelle. Ah oui, oui. Et si à l'Élysée, on a été tenté d'envoyer des renforts militaires pour sauver Bédier, à Matignon, au contraire, on a laissé faire. Enfin, quoi qu'il en soit, la France évacue discrètement Bédier et ne condamne pas. D'autant que le général Gueye, qui dénonce la corruption et l'appauvrissement de son pays, promet la tenue rapide d'élections libres et transparentes. Oui, mais ça, c'est ce que promettent tous les militaires qui arrivent au pouvoir. C'est vrai. Mais lui, va tenir parole. Un mot, justement, avant d'en venir à la future élection présidentielle. Le putsch de Gueye est bien accueilli dans le pays, à l'exception, bien sûr, des Baoulés, qui ont perdu leur champion. Et pendant quelques mois, on peut penser que la Côte d'Ivoire va recouvrer la paix et en finir avec les conflits tribaux. Mais c'est un calme trompeur. Et pour quelle raison? D'abord, il y a eu un putsch. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est un précédent dangereux. Oui, même s'il est vrai que le régime de Bédier était détestable et devait être renversé. Ensuite, les poisons semés par le pouvoir ne peuvent pas disparaître d'un seul coup de baguette magique. Et très vite, les conflits ethniques ne tardent pas à réapparaître. D'abord, chez ces jeunes soldats qui ont permis au général Gueye de s'emparer du pouvoir. Mmh. Donc, des conflits ethniques, dites-vous. Pas tout de suite, les conflits ethniques. Il s'agit de se placer auprès de Gueye et d'obtenir les meilleures places dans la garde présidentielle. Mais bientôt, ces rivalités dégénèrent en conflits ethniques et religieux. Oui, chrétiens du Sud contre musulmans du Nord. Et comme il fallait s'y attendre, Gueye penche du côté chrétien, ce qui déclenche la fureur des nordistes qui tentent purement et simplement de se débarrasser du chef de la junte. Mais ils échouent. Résultat, Gueye ordonne une purge sévère. Certains sont capturés, torturés, et les autres fuient dans le nord du pays. Et c'est l'amorce de la future rébellion nordiste. Exactement. On retrouvera les mêmes hommes à la tête du MPCI, le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, dont un personnage qui va s'affirmer, le sergent Ibrahim Koulibaly, qu'on n'appellera plus que par ses initiales, IB. Et alors, tous ces remous interviennent alors même qu'on va procéder à l'élection présidentielle. Oui, à l'automne 2000. Ouais. Et Gueye, qui n'était là que pour ramener le calme, se sent maintenant des ailes de candidat. Et il trouve un allié de circonstance en la personne de Laurent Gbagbo. Gbagbo, le socialiste. Mmh. Et pourquoi alors? Parce que tous deux sont décidés à éliminer Ouattara au nom du poison de l'ivoirité. Parce que Gbagbo s'est donc rallié lui aussi à ce concept nationaliste. Malheureusement, oui. Les deux compères sont donc les deux seuls à pouvoir concourir. Car Gueye a trouvé des arguties juridiques pour empêcher Bédier, toujours en exil, de pouvoir se présenter. Ouais. Mais ce faisant, Gbagbo et Gay sont maintenant concurrents. Oui, leur rivalité va être féroce. Gbagbo, très bon tacticien, espère l'emporter. D'autant que la population ivoirienne est lassée des militaires et des excès de la garde rapprochée du général qui se croit tout permis. Mais Gbagbo peut craindre un coup de force électoral de Gay, et c'est ce qui se produit. Constatant que son concurrent est en train de l'emporter dans les urnes, le général Gueye interrompt le décompte des voix, fait arrêter le président de la commission électorale et se proclame élu. Ah ben ça, une sorte de nouveau putsch, hein, ça est... Décidément, là, il a bien changé le général qui voulait rétablir la démocratie. N'est-ce pas? Et de son côté, Gbagbo riposte en appelant les Ivoiriens à manifester. Et ils sont très nombreux à descendre dans la rue, malgré les bandes de Gueye qui tirent sur la foule ou jettent des manifestants dans la lagune où ils se noient. Toutefois, Gbagbo dispose du soutien de la gendarmerie. Et Gueye se rend compte qu'il a perdu et regagne son village. Gbagbo est reconnu comme le vainqueur de l'élection présidentielle. Enfin, c'est loin d'être la preuve. Parce que les partisans du général Gueye résistent? Pas cela, non. Mais les partisans de Ouattara, qui estiment que leur champion a été scandaleusement évincé de la compétition. Ils réclament donc de nouvelles élections. Et là se situe un événement qui aura de terribles conséquences jusqu'à aujourd'hui. De quoi voulez-vous parler, là? Du massacre de Yopougon. Ça commence le jour même où le président Gbagbo prête serment. Deux jeunes partisans de Ouattara se mettent en marche vers le centre-ville d'Abidjan. Les gendarmes ivoiriens opèrent préventivement des rafles dans les bidonvilles et raflent des musulmans et des étrangers, maliens, burkinabés, guinéens, etc. Mais dans une cour où habitent des Dioulas... Les Dioulas, c'est l'ethnie du Nord. Hein. Celle-là même d'où est originaire Ouattara. Mm-hmm. Donc il se produit une rixe entre les gendarmes et les Dioulas. Et un gendarme est tué. Dès que la nouvelle est connue à l'état-major, les gendarmes décident de représailles. Un véritable massacre. 500 nordistes sont tués. On retrouvera les cadavres d'une soixantaine d'entre eux enterrés dans un charnier à Yopougon. Difficile après ça de prêcher la paix et la réconciliation. Oui, d'autant que peu après, Ouattara est interdit de participer aux élections législatives, ce qui provoque de nouveau alors très violent entre ses partisans et les gendarmes. Désormais, dans la moitié nord du pays, des Ivoiriens évoquent ouvertement la partition du pays. C'est l'engrenage. Et Gbagbo, il faut bien le dire, ne fait pas grand-chose pour calmer le jeu. Quelques semaines plus tard, au début de 2001, des militaires Dioula tentent un putsch. Ils échouent, après une bataille de plusieurs heures qui les oppose aux gendarmes. Mais ils parviennent à s'enfuir au Burkina Faso. Alors justement, hein, le Burkina Faso, là, a-t-il encouragé la scission de la Côte d'Ivoire comme on l'en a fréquemment accusé, hein? Attendez, encore un petit peu de patience, si vous voulez bien. Ouais. La suite, vous la connaissez aussi bien que moi. C'est le succès des troupes rebelles dans le nord du pays, l'assassinat du général Gueye, l'envoi de troupes françaises. L'opération Licorne. Oui, qui est d'abord une force d'interposition. Puis il y aura les accords de Marcoussis. Ouais, les accords jamais vraiment appliqués. C'est juste. Puis il y aura aussi l'attaque aérienne d'un camp français à Boaké et la riposte de l'armée française qui anéantit la modeste aviation ivoirienne. Ensuite, les jeunes patriotes, très proches de l'épouse de Laurent Gbagbo, sèmeront la terreur chez ceux qu'on appelle les expatriés. Nos compatriotes installés depuis parfois très longtemps en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais dans votre raccourci, là, vous avez oublié de mentionner l'assassinat du journaliste Jean Hélène et la disparition d'un autre journaliste, un Guy-André Kieffer. Qui lui aussi a été très certainement assassiné par des proches de la présidence, parce qu'il en savait trop sur la corruption des cercles proches du pouvoir, mais également sur l'utilisation des revenus du cacao pour acheter des armes. Alors, revenons à votre question sur l'implication du Burkina Faso. Oui, je vous ai... Même si d'autres pays sont intervenus dans cette crise ivoirienne, il est certain que le voisin burkinabé a joué un rôle trouble. Quoi, parce qu'il se sentait d'emblée proche de ces nordistes qui appartenaient aux mêmes ethnies qui peuplaient le Burkina Faso. Évidemment. En outre, rien n'empêchait les dirigeants de ce pays d'envisager un jour une modification des frontières à leur profit. Une spéculation, hein? Peut-être. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le Burkina Faso a fourni aux rebelles une hospitalité très confortable. Et on ne peut pas ne pas s'interroger sur la qualité de l'équipement de ces mêmes rebelles lorsqu'ils ont traversé la frontière burkinabé pour venir combattre en Côte d'Ivoire. D'où venait l'argent? Le Burkina Faso a-t-il financé seul ces équipements ou bien d'autres pays africains qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire ont-ils ouvert leur porte-monnaie? Vous avez une idée? Bon, je pense que pas mal d'autres États africains auraient bien voulu reprendre le rôle de la Côte d'Ivoire, chouchou de l'ancien colonisateur. Justement, alors la France? Son rôle a peut-être été très équivoque. Première constatation. les services secrets français ne pouvaient pas ignorer les préparatifs des rebelles présents au Burkina Faso. C'était suffisamment voyant. Par conséquent, l'armée française qui, au nom des traités passés avec la Côte d'Ivoire, était responsable de sa sécurité, aurait très bien pu se prépositionner, comme on dit dans le jargon militaire. C'est-à-dire empêcher l'action des rebelles. Ou tout au moins la limiter, ouais. Oui. Alors, vous insinuez donc que la France a laissé faire. Bah ça, je ne l'exclus pas. Mais il faut m'expliquer, alors. J'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je vous écoute, alors. À peine arrivé au pouvoir, Gbagbo déclare qu'il veut ouvrir le marché national. La Côte d'Ivoire ne doit plus être la chasse gardée de la France. Et il cligne carrément de l'œil en direction des États-Unis. Ouais, et il y a longtemps que les Américains voudraient bien tailler des croupiers aux Français en Afrique. Bien entendu. Oui. À Paris, on accueille très défavorablement ces déclarations. Alors, de là à penser qu'on n'a pas été mécontent de voir le pouvoir de Gbagbo menacé par les rebelles... Ouais, vous allez loin, là, quand même. Sans doute. Enfin, laissez-moi simplement constater que depuis, les grandes entreprises françaises, Bouygues, EDF, France Télécom, etc., ont signé de très juteux contrats avec la Côte d'Ivoire. Ils sont donc revenus en force dans le pays, comme si Gbagbo avait reçu le message. Recolonisation, M. X semble dire à demi-mot. Il reste que la Côte d'Ivoire demeure un état fragile où à tout moment la guerre peut reprendre.